Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Monsieur Denis Bolo qui vient nous parler de son roman « Jeux macabres, les enquêtes de Franck Tercot » publié en auto-édition. Denis Bolo sera présent au 5e salon du livre organisé par la MJC de Saint-Nicolas-de-Port le 5 février 2017. Bonjour Denis. Bonjour Mona. Alors vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de vous ? Eh bien, donc je m'appelle Denis Bolo, j'ai 53 ans, je vis à Saint-Nicolas-de-Port depuis à peu près une trentaine d'années et j'ai grandi en fait dans la région nancéienne depuis toujours. En fait. Alors vous écrivez, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Ben, l'envie d'écrire, en fait, elle vient un petit peu insidieusement. C'est-à-dire que on prend un bout de papier, on s'imagine une histoire, on la couche, et puis on regarde ce que ça donne, en fait. Après, ben, c'est une envie, c'est presque un besoin. C'est-à-dire qu'on a envie d'extérioriser un petit peu ce que l'on a, on a envie de créer, on a envie d'inventer, on a envie de raconter. Et puis ben, le meilleur moyen de pérenniser ça, c'est de le mettre sur papier, tout simplement. Mmh. Alors vous avez un ou des rituels pour écrire ? Alors j'écris de toute façon quand je suis seul à la maison. Ça, c'est l'élément primordial. Je ne peux pas être dérangé, ne serait-ce que par un morceau de télévision qui se promène quelque part ou du bruit intempestif. Je m'octroie surtout des plages musicales. J'écris beaucoup avec, avec la musique. Une de mes premières expériences d'écriture a été l'écriture automatique. Oui. Donc j'ai placé un disque sur une platine et je me suis laissé porter par la musique. Et tout ce qui me passait par la tête est sorti naturellement au bout du stylo. Donc ça, c'est une expérience que j'avais beaucoup aimée. Et en fait, la musique m'aide quelque part à porter mes personnages, à porter mon histoire, etc., etc. D'accord. Alors, vous pouvez nous faire un résumé de l'histoire ? Alors, le résumé de Jeux macabres, en fait, donc, c'est une enquête qui est confiée, elle n'est pas tellement confiée. Franck Tercot, un détective, donc, se retrouve bizarrement confronté, en fait, à la découverte d'un cadavre. Donc, forcément, de fait de son statut de détective, il se fait un malin plaisir de se faire engagé, on dirait, comme consultant par la police locale, et commence à mettre son coin de sel, bien évidemment, dans l'histoire. D'accord. Et alors, pourquoi avoir choisi un détective privé plutôt qu'un policier ? Alors, le principe du policier, ce qui me gênait peut-être un petit peu, c'était le côté hiérarchique, la nécessité de rendre compte. Oui. Alors qu'un détective privé a les coudées franches. Oui. Il est totalement libre. C'est vrai. Donc, il peut même aborder certaines situations à la limite de la légalité, sans avoir effectivement à se justifier. Oui. Enfin, du moins tant qu'il ne se fait pas prendre. Voilà, c'est surtout ça. Puis il y a toute la partie scientifique aussi, peut-être. Il y a une partie scientifique. J'aime beaucoup les sciences. Je me suis intéressé à énormément de choses et j'en ai tiré quelque part des informations, des bribes d'informations que je peux retranscrire en fait dans le livre au fur et à mesure d'une enquête ou en fonction des besoins, bien évidemment, de l'évolution de l'histoire. Ça, j'aime beaucoup ça. Oui. Alors, quel détective de fiction vous a inspiré le personnage de Franck Tercot ? Personnellement, je trouve qu'il y a un peu du Nestor Burma. Je suis assez fan, effectivement, de Léo Mallet. Donc ça, c'est un de mes auteurs préférés. Bon, c'est pas le seul, j'ai baigné très tôt, en fait, dans le roman policier. Pour remonter au plus tôt, j'ai commencé avec Les Sœurs Parker, dans la Bibliothèque Verte. C'est vous dire, c'est pas d'hier. J'ai enchaîné ensuite sur Leslie Charteris, Le Saint, avec un côté aventure. Donc, le côté aventure, c'est peut-être un petit peu Le Saint, je dirais. D'accord. Bon, Agatha Christie, bien évidemment. Bien sûr. On ne peut pas la louper. Non. Donc là, c'est effectivement la trame d'un livre, la façon dont on peut suivre l'évolution d'une histoire ou d'une enquête. Là, elle m'inspire aussi, bien évidemment. Bon, Simenon, pour ne pas le citer aussi, et Frédéric Dard. D'accord. Ah oui, Frédéric Dard. Frédéric Dard, j'aime beaucoup. Au même titre qu'Audiard, mais là, plus pour le côté dialoguiste. Il y a beaucoup de dialogues dans le livre. Oui. Et j'aime, je dirais, imager une histoire avec des dialogues. Et là, bon, le lecteur a juste ensuite à s'imaginer la scène, hein, tout simplement. J'aide ça, en fait, ça. Alors, nous allons faire une première pause musicale. Vous avez choisi Mistral gagnant de Renaud. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Surtout les carambars d'antan et les cocos boères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Alors, nous sommes toujours avec Denis Bolo pour son roman « Jeu macabre ». Alors, vous avez dû bien vous amuser en écrivant cette histoire, ne serait-ce qu'avec le choix des noms de famille, des personnages ou des lieux, comme le commissaire Henri Tournel, Blanche à découper, le Parkinson. Alors, je laisse au lecteur le soin de découvrir les autres, je ne vais pas tout dévoiler, bien sûr. Vous aimez vous amuser en écrivant ? Ah oui, j'aime beaucoup, oui. L'important, en fait, je pense qu'il faut, il faut qu'un livre soit un moment de détente. Mm-hmm. Donc, si on commence, à, je dirais, à être prise de tête, on passe un peu à côté du concept de l'amusement, de la détente, du moment passé agréable, en fait. Mmh. Alors, l'histoire des prénoms et des noms, un peu à tiroir, jeu de mots à peu près, etc., ça permet aussi, enfin, moi, je me trouve que ça permet de resituer très facilement un personnage dans une histoire. Parce que, immanquablement, on va l'imaginer. Bien sûr. Immanquablement, on ne va pas l'oublier. Donc, il est plus facile de le suivre dans une histoire que s'il a un nom peut-être plus, plus traditionnel, plus standard, tout simplement. Non, mais c'est vrai que je m'amuse beaucoup. Je m'amuse beaucoup avec ça, ouais. Alors, il y a beaucoup d'humour, quelquefois, quelques blagues potaches. Un peu. Alors, vous dites à un moment, je cite Franck Terco, « L'humour, ça permet d'évoquer l'horreur sans effet secondaire. » Vous le pensez vraiment ? Oui, bien sûr, oui. C'est une, comme le rire est une défense, ça permet de... C'est un bouclier. En fait, c'est un bouclier qui permet de ne pas être touché trop durement parce qu'il peut nous arriver, parce qu'il peut nous révolter. On voit dans les actualités en ce moment, qu'elles soient de terrorisme et autres, il y a une nécessité de se protéger. D'accord. Et l'humour, prendre un peu de distance. Prendre un peu de distance. Et l'humour est un moyen, en fait, d'accord, de prendre de la distance. Alors, mais vous en profitez aussi pour glisser des vérités qui dérangent, comme la banalisation de la violence. C'est important pour vous de faire passer des messages ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Oui, parce que même si ça reste sur un ton léger, il arrive de temps en temps quand même d'aborder des sujets, non pas qui fâchent, mais enfin qui sont sérieux. Bien sûr. C'est ça, en fait. Il faut avoir un regard sur la société. Pas forcément totalement critique, je dirais, parce qu'on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler, c'est sûr. Mais il y a des aberrations. Je le dis de temps en temps, un môme de 5 ans comprendrait parfaitement, par exemple, qu'on va dans le mur dans certaines situations. Mmh. Et pourtant, cette situation perdure. Oui. Comment ça se fait? Donc j'essaie d'interpeller un petit peu, ou de lever, pas de lever des lièvres, mais de mettre le doigt de temps en temps sur des choses qui sont un peu particulières, moi qui me gênent, tout simplement. Alors Franck dit encore, de mon siège, je regarde ces hommes d'affaires qui se croisent et discutent. Ils sont tous habillés de la même façon. J'ai l'impression de voir une armée de pingouins. Aucune originalité ne se dégage. En uniforme de technocrate, ils sont les vaillants soldats qui composent l'armée dirigeante du monde. Rompus au combat économique, leurs victimes ne sont jamais issues de leur rang. Ce ne sont pas eux qui tombent au champ d'honneur, ni eux qui sont sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. Le libéralisme préserve toujours ses généraux. Vous tapez fort, là. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est jouissif de pouvoir, mine de rien, exprimer ce qui vous reste un peu sur le cœur, ou en travers de la gorge. Oui, bien sûr. Ça permet de lever des inhibitions, l'écriture aussi. Hein. Ça permet aussi de lâcher des vérités. Enfin, des vérités. Mes vérités. Oui. Parce que je ne peux pas non plus parler au nom de tout le monde. Mais je pense que, quelque part, ça résume, cette phrase-là, en l'occurrence, résume assez bien le monde actuel. Le libéralisme à gogo, on le voit en ce moment avec le débat des primaires. Ce ne sont que des batailles d'égo. Bien sûr. Mais je dirais que parmi tous les chefs d'État qu'on nous propose, personnellement, je ne vois pas un homme d'État. Non. C'est, je dirais qu'il y a une dimension, il y a une carrure, par exemple, j'en viens par exemple aux élections. En ce moment, on est un petit peu. On reste sur notre faim. Hein. Oui, c'est sûr. On a l'impression qu'ils sont tous un peu pareils. Alors, encore une fois, ça n'engage que moi. Mais oui, je pense que ces armées de technocrates qui dirigent effectivement ce monde font peu de cas des fameuses victimes qui sont les SDF, les sans-abri, les laissés pour compte, quoi, en fait. Oui, c'est sûr. Alors vous écrivez encore, la nature humaine est la même partout. Ce sont rarement les méchants qui trinquent, les gentils en font les frais. Mm-hmm. Vous êtes pessimiste de nature? Pas pessimiste. J'ai un regard peut-être plus acéré. Oui, je pars. J'ai une petite maxime comme ça de temps en temps que je me. Qui est, par exemple, à qui profite le crime? C'est ça, en fait. Non, on reste dans le policier, à qui profite le crime? Sûr. Et dans beaucoup de situations, en fait, on pourrait se demander pourquoi telle chose a été faite, à qui ça profite? Et ça profite rarement aux petits, je veux dire. C'est ça qui me gêne. Alors, ce n'est pas du pessimisme, c'est un réalisme bête et méchant, en fait. Oui, c'est sûr. C'est ça, en fait. Alors, il se dit que les écrivains mettent beaucoup d'eux-mêmes dans leurs personnages. Alors, quels sont vos points communs avec Franck Terco, par exemple? Les points communs que j'ai ou que j'aimerais avoir, ça, c'est... Vous pouvez dire les deux. Parce qu'en fait, effectivement, j'aimerais avoir ça... Enfin, ce que j'ai avec lui, déjà, en commun, bon, c'est peut-être l'humour. C'est peut-être la façon d'aborder les choses et de prendre du recul par rapport à certaines choses. Ce que j'aimerais avoir, c'est effectivement sa désinvolture, peut-être, parce que on peut être. C'est difficile d'être désinvolte, en fait, surtout quand on est à l'écoute un petit peu de tout ce qui se passe. Je ne sais pas ce que je pourrais avoir comme point commun réel avec lui. Bon, y a une part de moi dans chaque personnage, de toute façon, c'est évident. Maintenant, ce serait trop restrictif. De dire cette qualité-là, ça m'appartient, ça lui appartient, celle-là non, celle-là oui, celle-là non, celle-là oui. C'est un mélange, c'est une soupe. D'accord. C'est en fait. Donc, il y a des choses qu'il va aborder, que moi je n'aborderai, enfin si, je les aborderai de cette façon-là, mais peut-être avec moins de sagacité ou avec plus de retenue. Lui, je peux le laisser faire, en fait. L'avantage de faire un personnage, c'est que, quelque part, on a deux vies. Oui. J'ai ma vie et j'ai la vie rêvée, oui, exactement. Mmh. C'est-à-dire celle qu'on aimerait pouvoir faire, celle qu'on aimerait pouvoir avoir. Oui. Et avec laquelle eh ben, on a toute liberté, puisqu'il n'y a pas de limite. Dans l'écriture, il n'y a pas de limite. Mm-hmm. Et puis ben, la mienne, qui va forcément, comme tout, est limitée. Oui, bien sûr. Alors, parlez-nous des autres personnages, Hermine ou Christopher. Alors, Hermine, en fait, elle a un rôle assez particulier dans les enquêtes. C'est le regard féminin porté sur l'histoire. Donc, Elle a un rôle qui est... elle a pas mal d'étiquettes, en fait. Elle est à la fois donc mère, sœur, amie, fille. Elle n'est rien de tout cela, bien évidemment. Mmh. Et surtout, elle est secrétaire et assistante. Donc, c'est un petit peu le garde-fou de Franck Tarko. Mmh. C'est elle qui lui dit « freine un peu » quand il va un peu trop vite ou un peu trop loin. Mmh. Et en fait, elle permet quelque part de ne pas avoir que le regard masculin du héros, en fait. Mmh. Ça permet aussi de resituer certaines choses, d'aborder des événements sur un autre angle, etc. etc. Mmh. Mais donc, c'est pas une potiche quand même, parce qu'elle participe. Elle participe beaucoup. Elle participe beaucoup, aussi bien dans ses... Elle est très douée techniquement, évidemment, d'un point de vue nouvelle technologie, etc. Ça... Mmh. Parce que Franck Tarko n'est pas fondamentalement quelqu'un qui s'adonne en fait aux ordinateurs et choses et autres. Lui, il est plutôt dans le côté physique, vivacité, action, etc. Mmh. Donc le côté réflexion sur ordinateur, par exemple, non, c'est pas son truc. Donc Hermine est là pour ça. D'accord. Et donc on a Christopher, oui, qui lui... Va lui apporter le regard un peu plus naïf, un peu plus candide et en même temps très, très impétueux d'un adolescent. Mmh. Mais je le trouve très mûr. Ah oui, son histoire, son vécu a fait qu'il a dû... il a mûri très vite en fait. Mmh. Il a mûri très vite dans le premier roman qui s'appelle « L'horreur est dans le bois ». Oui. Il faut savoir que le gamin... Franck Tarko le rencontre alors qu'il est en siège roulant. Il a perdu ses deux parents dans un accident de voiture, il est le seul survivant et il est cloué dans un siège. Donc, Franck va le prendre sous son aile et quelque part, le gamin, de par son expérience, a déjà vécu, si j'ose dire, les choses les plus horribles qu'on puisse vivre. Mmh. Donc, sa maturité vient de là. Cependant, ça reste un enfant. Donc, le regard qu'il peut avoir est beaucoup plus... direct. Ses appréciations sont son nature, oui, c'est tout vrai. Simplement. Par ce fait, il a une capacité assez exceptionnelle d'analyser les choses, tout en ayant des réactions d'ado. Oui, c'est vrai. Ce qui est un mélange un peu particulier, un peu détonnant même parfois. Mm-hmm. Donc lui va venir quelque part rajouter un troisième regard sur ce qui peut se passer au moment de l'écriture du livre, simplement. Alors, ce n'est pas votre premier roman, puisque vous avez écrit également alors, « Des cailloux dans la bouillabaisse » et « L'horreur est dans les bois ». C'est dans la même veine que « Je m'accabre » ? Oui. Avec les mêmes personnages récurrents ? Oui, donc nous avons donc Franck Tarko, Hermine et Christopher. D'accord. De temps en temps, il y a un personnage que l'on peut voir apparaître dans un livre, qui n'apparaîtra pas dans le second, mais qui réapparaîtra dans le troisième. Mm-hmm. Je pense en l'occurrence au médecin légiste, le docteur Félin, voilà, qui lui va intervenir donc, dans Je m'accabre pour les fameuses autopsies des quelques victimes. Il y a le commissaire Henri Tournel. Oui. Bien évidemment. Donc, qui apparaît pour la première fois dans ce livre-là et qui apparaîtra dans le prochain. Mm-hmm. Et puis sinon, une personne assez récurrente, mais qui n'existe plus en fait, c'est Dédé. Alors Dédé, c'est un ancien malfrat qui a incité en fait Franck Tarko à quitter la police, puisqu'il était policier de formation, pour se mettre à son compte. Bon, c'est un bon petit malfrat, bon, qui malheureusement eh ben, est décédé. Terco l'a accompagné, dans le premier roman d'ailleurs, l'a accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Et quelque part, il y a une transmission, c'est-à-dire il y a une transmission de ce fameux Dédé, technique et physique, par un petit outil qui s'appelle le Passa Dédé. C'est un petit outil qui permet d'ouvrir toutes les portes que le malfrat lui a léguées. Et puis, quelque part, une façon aussi de voir les choses, de ne pas prendre tout au sérieux. Et c'est pour ça que Terco a un peu cette façon de voir les choses, simplement. Alors, nous allons faire une seconde pause musicale, pardon, et nous allons écouter Le Sud de Nino Ferrer. Je fais la pause musicale, parce que je me suis... C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse, y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie suivante. Plus d'un million d'années. Alors, nous sommes toujours avec Denis Bolo. Alors, vous avez des projets ? Des projets d'écriture, oui, bien sûr. Je suis en train de finaliser le quatrième livre, qui devrait, enfin, le titre n'est pas encore définitif, mais qui devrait normalement s'appeler l'opération Little Green. D'accord. C'est toujours une enquête de Franck Terco ? Toujours une enquête de Franck Terco. J'en ai un cinquième à l'esprit, mais là, il est vraiment à l'état embryonnaire. Donc, j'ai quelques grandes lignes. La seule certitude que j'ai, c'est qu'elle va se passer dans la région. Ah oui, parce que Je m'accabre, c'est à Paris. Et Je m'accabre est à Paris. Le premier, L'horreur est dans le bois, est dans le Jura. Le second, Des cailloux dans la bouillabaisse, bien évidemment, dans la région de Marseille. Donc, oui, il voyage beaucoup. Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante, ça permet de changer un petit peu de cadre. Après, par rapport au livre policier, j'ai une envie, celle de éventuellement de me lancer un peu à écrire des nouvelles. D'accord. C'est un style qui demande plus de rigueur, qui demande plus de travail peut-être, et ça me paraît très intéressant, donc je vais essayer. Je pense que je vais faire la tentative. Bon, on verra ensuite. Alors, très important, dites-nous où on peut trouver vos livres. Donc, sur le site de l'éditeur, donc Edilivre, en l'occurrence. On peut le trouver également sur Amazon, à la Fnac, et puis dans toutes les bonnes librairies, en principe. D'accord. Alors, vous allez participer le 5 février au Salon du Livre organisé par la MJC de Saint-Nicolas-de-Port. Ça va être une première pour vous ? Ah, totalement, oui. Ça va être une première et ça va être très sympathique en ce sens où je vais certainement pouvoir échanger avec les lecteurs. Oui. Essayer d'avoir un petit peu de visibilité aussi, parce que c'est vrai que le livre, il y a énormément de livres qui paraissent en fait tous les ans. Mm-hmm. Donc, essayer peut-être d'avoir un petit peu une petite vue, je dirais simplement. Et puis, ça permet aussi de participer par rapport à Saint-Nicolas, qui est une ville qui est très dynamique, qui met la culture en avant. Il y a une équipe formidable par rapport à l'organisation du salon. Je pense à Adèle Jeannot et son équipe, à Catherine Maléki, qui font du boulot formidable, quoi. Mm-hmm. Donc ça, c'est super, moi, je veux dire. Donc Saint-Nicolas, oui, c'est... En plus, bon, pour toi de cœur, donc forcément, je ne pouvais pas ne pas être là. Mais oui, bien sûr. Alors en même temps, ça va être... Je veux dire, ça va être un petit peu intimidant et un petit peu angoissant, non, de rencontrer des lecteurs. Intimidant, angoissant, non, je pense pas. En ce sens où j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans le commerce de détail. Donc le contact avec les personnes ne sont pas un problème, je dirais. Ça, c'est pas un souci. Le regard porté sur le regard critique. Parce qu'en fait, les critiques, l'écrivain en a peu, finalement, en retour. Mm-hmm. Donc, c'est l'occasion, effectivement, d'échanger là-dessus, de savoir ce qui plaît, ou même ce qui ne plaît pas, ou ce qui peut déranger, etc. Ça ne veut pas dire que je vais forcément changer ma façon d'écrire, loin Bien de là. Sûr. Mais ça me permet aussi d'avoir peut-être une vision plus réelle, en fait, de l'impact que peut avoir un livre, par exemple. Ça peut être très, très intéressant et enrichissant, oui. Alors, votre livre est en auto-édition, c'est un choix ou c'est... C'était une des façons de pouvoir être édité, tout simplement, bien donc de pouvoir être connu, entre guillemets, c'est-à-dire de se mettre effectivement à disposition d'un public. Maintenant, effectivement, j'aurais presque préféré, bien évidemment, passer chez un éditeur. Ça aurait été certainement plus... Peut-être plus facile. Ah oui. Plus facile pour moi, pour la promotion du livre, pour tout ci et pour tout ça. Oui, c'est sûr. Parce que là, je ne dispose pas de réseau, de moyens qui appartiennent en fait aux maisons d'édition. Oui, c'est sûr. C'est ça, mais en même temps, il y en a tellement. Voilà. Et puis, vers qui se tourner Le piège d'un premier livre, par exemple, c'est finalement d'avancer dans un inconnu total. Oui. C'est un domaine qu'on aborde sans repère, sans aucun repère. Donc l'envie d'écrire, c'est une chose. Oui. L'envie de publier, c'est radicalement différent. Oui. Ça soulève des problèmes qui ne viennent même pas à l'esprit au moment où on écrit. Oui, j'imagine. C'est ça, en fait. Bon, c'était pas une envie totale d'être publié. J'ai fait lire les premiers manuscrits à mon entourage, à des amis, etc., qui m'ont dit, mais écoute, il faut que tu le publies. Mmh. Bon, soit. Et puis après, faut que tu le publies, mais où et comment et là, on se retrouve devant un fait. Comment fait-on pour se faire éditer? Et là commence un petit peu un parcours du combattant. Donc, c'est pas que j'aime pas me combattre, hein, c'est pas ça. Mais il y a, comme vous le disiez, il y a tellement d'éditeurs, il y a tellement de façons, il y a tellement de lignes éditoriales, il y a tellement qu'il faudrait, je sais pas moi, envoyer 300 manuscrits, quoi. c'est très impressionnant. Hein. Le monde de l'édition est très impressionnant. Hein. Alors, merci à Denis Bolot d'être venu nous parler de son roman Jeu macabre. Merci à vous. Au revoir à tous et à bientôt. Thank you.